face. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. À toutes, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien pour vous. Ici, nous sommes du côté de Blanquefort, à Bordeaux, en Gironde, en France, mais vous pouvez nous écouter sur 90.7 si vous êtes dans la région, ou sur www.rigfm.fr pour n'importe où en France, dans les pays limitrophes, genre Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, mais aussi, pourquoi pas, Angleterre, États-Unis, et oui, et même dans l'autre sens, Asie, Japon, j'en sais rien, où vous voulez. En tout cas, merci d'être là, c'est la 241e édition de La Saga des Fab Four, consacrée aujourd'hui à l'album Brainwashed de George Harrison, sorti en 2002. On écoutera Any Road, on écoutera P2 Vatican Blues Last Saturday Night, et ça j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise pourquoi il a donné un nom aussi long et aussi presque absurde, P2 Vatican Blues Last Saturday Night, je ne sais pas pourquoi. Il y aura aussi Stuck Inside the Cloud, Run So Far, il y aura Looking for My Life et The Rising Sun pour terminer en ce qui concerne l'album de la semaine. Il y aura aussi du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney bien entendu et des Beatles. Pour Ringo Starr, ce sera en 1981 sur l'album Stop and Smell the Roses avec You've Got a Nice Way, très belle chanson. On aura le derrière serré parce que c'est une un petit jeu de mots qu'il a fait dans le titre, Titus. En principe c'est Titus, mais comme c'est l'emblème du dollar, on pourrait le prononcer As. Donc c'est autre chose. Sur Mind Games en 1973 pour les Beatles, il y aura par exemple Come Together, etc, etc, etc. Je vous propose de commencer l'émission immédiatement avec Any Road, mais Any Road dans la version de travail, enfin plutôt non, C'est le dernier show télévisé, il me semble, de George Harrison en 1997, sa dernière apparence publique, apparition publique, c'est mieux. Et c'était Amy Road à la guitare sèche. Écoutez. I've been traveling on a boat and a plane and a car and a bike and a bus and a train. Traveling there, traveling here, everywhere, in every gear. But oh Lord, you pay the price with the spin of the wheel, with the roll of the dice. Ah yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. I've been traveling on a ring and a prayer, on the skin of my teeth, the breadth of her hair. Traveling where the fall winds blow, with the sun on my face in the ice and the snow. But ooh-wee, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Oh yeah, it's somewhere, and if you don't know where you're going, any road will take you there. Know where you came from. You may not know who you are. May not even have wondered how you got so far. But I keep traveling around the bend. There was no beginning, there is no end. Wasn't born, it never dies. There are no edges, there is no sides. But ooh-wee, you just don't win. It's so far out, the way out is in. Bow to God and call him sir. But if you don't know where you're going, any road will take you there. If you don't know where you're going, any road will take you there. And if you don't know where you're going, any road will take you there. Voilà, en quelque sorte, George Harrison reprend à lui le terme « Tous les chemins mènent à Rome ». Lui, il dit « Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous emmènera là-bas ». Voilà. On se retrouve sur Facebook, sur la page La Saga des Fab Four, ou sur Maca Club, sur la page La Saga des Fab Four. Je compte sur vous. Je envoie le bonjour tout de suite à Lovely Rita, la responsable du Beatles Magazine, grâce à qui j'ai pu connaître Michael Honorato, par exemple, qui cet après-midi vous rediffusait son show Beatles Tonight, entre 14h et 16h en France. Je vous conseille de l'écouter sur Home Ground Radio NG, bah évident, mais vous le trouvez sur TuneIn, ou vous le trouvez sur Zero Tune, si vous cherchez. Vous pouvez prendre des renseignements de toute façon sur la page Facebook. Vous trouverez tout grâce à Lovely Rita. Elle est sur Beatles Magazine, sur Facebook, donc sur Twitter, sur Google+, et elle vous parle de John, Paul, Ringo, George, des amis de ces gens-là, de l'actualité, du passé, des vidéos. Elle parle également de nous, les animateurs, qui diffusons des émissions de radio, et puis de vous, pourquoi pas. Rendez-vous donc sur Facebook dans quelques instants, j'arrive. Voici la version définitive d'Any Road sur RIG. Traveling on a boat and a plane, in a car, on a bike, with a bus and a train. Traveling there, traveling here, everywhere, in every gear. But oh Lord, we pay the price with the spin of a wheel, with the roll of the dice. Ah yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. I've been traveling through the dirt and the grime, from the past to the future, through the space and the time. Traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves. But ah, Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. You

Sincèrement, ça roule bien cette chanson-là. C'était en 1980, Yoga the Nice Way, Ringo Starr, surérigé dans la saga des Fab Four. Pour la chanson suivante, eh bien, nous sommes en 1973 sur l'album Mind Games, et je voulais dire quelque chose dessus, mais en fait, j'ai dû aller jusqu'à la porte, etc., et discuter un petit peu. Du coup, eh bien, je n'ai rien à dire, je le dirai plus tard. Well, just as tight as you can make it, hard to slow and hard enough. Just as tight as you can shake it, girl, get it on and do your stuff. Tight as you can get it, tight as got it made. Uptight's alright, but if you can't stand the heat, you better get back in the shade. Well, just as tight as an Indian road trip, hard and tough and hard enough. Just as tight as a dope fiend's fix, my friend, get it up and do your stuff. Tight as you can boogie, tight as got it laid. Uptight's alright, but if you can't stand the heat, you better get back in the shade. Qui a écrit un bouquin sur John Lennon qui s'appelle L'intégrale Lennon n'est pas tendre avec lui. Il dit, la deuxième chanson de l'album ne fait que prouver, ce qui est un peu inquiétant, que tout ce que John avait à dire, c'est-à-dire pas grand-chose, avait déjà été dit dans le premier morceau, à savoir Mind Games. Tout le talent des musiciens rassemblés pour ces séances ne réussit pas à dissimuler l'insignifiance de Titus, je ne suis pas d'accord avec lui, même si la star de la country rock Sneaky Pete Clay Now des Flying Burrito Brothers de Graham Parsons, il joue une partie de pedal steel guitare donc absolument brillante. La chanson est censée être un hommage à l'éthique vive et impitoyable de New York, mais elle ne réussit pas à capturer l'énergie de la ville. En fait, l'épuisement émotionnel de John commence à transparaître. Il se repose sur sa facilité à aligner les jeux de mots et compose des chansons sans autre objectif que de remplir son quota. C'est un peu dur quand même de dire ce genre de choses-là. Néanmoins, j'ai pas trouvé d'autres livres sur lesquels quelqu'un a écrit écrite sur John Lennon en français. Hello, my American friends. I know you are there, right here on RIG France. Monsieur Paul McCartney avec Jeff Lynne qui s'amuse un petit peu en l'an 2000 sur la bande originale du film Maybe Baby. Et c'est du bon rock, ça, comme on l'aime. Voici les Beatles maintenant, puisqu'on a fait le tour. On a fait George, Ringo, John, Paul. Voici les Beatles sur RIG. Hold you in here. jusqu'au bout. C'était la version de Love, évidemment, que vous avez entendu. J'avais caché, pour ceux qui ont la playlist, j'avais caché ça pour vous faire une petite surprise. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis obligé de temps à autre de parler anglais parce que si vous alliez sur Facebook, vous verriez que l'Amérique est en force. Ici, l'Amérique et l'Angleterre avec Lovely Rita, avec Michael Honorato et Susan également. Aussi, comment s'appelle-t-il ? Edgar qui est là. Donc, merci à vous, thank you. Et voici le deuxième titre de l'album de la semaine. L'album de la semaine, je pense aussi évidemment aux Français qui écoutent, c'est quand même la majorité. Et la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est l'album Brainwashed, sorti en 2002 de George Harrison. Et voici P2, Vatican Blues, Last Saturday Night. The ceiling from below, a splendid Michelangelo, fill my heart with delight. That's Saturday night. I arrived believing from home, find every step inside St. Peter's Dome, claustrophobic and ex-Catholic. Last Saturday night. Now how come nobody really noticed? Puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking, banking. Things I do at night. It's quite suspicious, to say the least. Even mentioned it to my local priest. One of all the three Hail Marys. It's Saturday night. Let's hear it, come on, Jingles. Play it, card, baby. Somebody would tell me that it's only a show. And I'll confess, oh no, let's face it, in my concrete tuxedo. It's quite suspicious, to say the least, while mentioning it to my priest. One of all the three Hail Marys. It's Saturday night. Father, three Hail Marys. It's Saturday night. Oh, no, Father, three Hail Marys. It's Saturday night. Let's go. Get this bloody little mic out of the way. Don't be nervous, John. Don't I'm be not. Nervous. Don't be nervous. That boy took my love away. But he'll regret it someday. This boy wants you back again. That boy. What happened? I was just thinking of that. That boy. I just went dead loud. Don't have stirrups any minute. That boy took my love away. want you back again. That boy isn't good for you, though he may want you to. This boy wants you back again. Oh, and this boy would be happy just to love you. But oh my, that boy won't be happy till he's seen. Get you back again. This boy, this boy. RG 90.7, la radio des Beatles. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Whoa, these chains of blood got a hold of me, yeah. Chains, well I can't break away from these chains. Baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Please believe me when I tell you, your lips are sweet. Kiss them, but I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Sur RIG. Lead vocal, c'est George Harrison, et j'aime particulièrement cette chanson parce que il y a des harmonies vocales justement qui sont absolument splendides. C'est sur le premier album des Beatles, l'album Please Please Me, en 1963. Et auparavant, vous aviez This Boy, mais la version du single Free as a Bird sorti en 1995. Et c'est la version où justement il n'y arrive pas entre That Boy, This Boy. Et c'est dur de se mettre au point. Et en tout cas, ça a permis de franches parties de rigolade entre les Beatles. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Là, voici Paul McCartney maintenant. I saw two mud pies, a girl and a boy, one for sorrow, two for joy. salutes, I move away and learn to face, face, face, face down fear. Ooh, I saw two magpies. There was a girl born, one for sorrow, two for joy, content to cry, no more to lie. And lie in truth. Look to my eyes. Ooh, a girl and a boy. One for sorrow, two for joy, three for a girl, four for a boy. I saw two. To face down fear, content to cry, no more to lie, no more to lie, and face down fear. Two Magpies, extrait de l'album Electric Arguments, sorti en 2008. Two, three, four. John Lennon en 1969 avec Give Peace a Chance. Il me semble avoir lu quelque part que c'était la dernière chanson sur laquelle figure la signature Lennon-McCartney. Après, évidemment, ils ont chacun pris leur chemin et chacun a signé de son propre nom. Mais à cette époque-là, enfin, au moment de la création de cette chanson, John Lennon a eu encore une petite envie de... Enfin, il a pas osé peut-être signer sous son propre nom. Et on doit dire que Give Peace a Chance, c'est une belle chanson. Elle aurait pu faire partie du répertoire des Beatles sans aucun problème. Puisqu'on parle de Beatles, on va parler de George Harrison et son album de la semaine, l'album Brainwashed, sorti en 2002, dont voici un nouvel extrait, Stuck Inside a Cloud, sur RIG. So much. Lost my concentration. I could even lose my touch. Talking to myself. Inside a cloud. I made some exhibition. I lost my will to eat. You know this feat. Talking to myself. Crying out loud. Only I can hear me now. Stuck inside a cloud. Talking to myself. Inside a cloud. Much. Oh yeah. She's well acquainted.

in me. En 1970, sur l'album Plastic Ono Band, John Lennon renie tout ce en quoi il a cru. Il renie Jésus, il renie Dieu, il renie Bob Dylan, il renie les Beatles. Il dit « Avant, j'étais The Walrus, maintenant, je suis John ». Et il met fin définitivement à l'entité Beatles, puisque c'est Paul qui est parti le premier. Il a voulu lui aussi faire quelque chose pour clore ça. Et comme le dit Pascal de Bordeaux, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui écoute depuis Bordeaux et qui commente sur Facebook, ça fout le Bourdon. C'est vrai que c'est très triste, mais c'est également une très très belle chanson de John Lennon. On revient à l'album de la semaine. L'album, c'est Brainwashed, sorti en 2002. Et voici Run So Far, deux fois la version de 2002 de George Harrison, et une version que George Harrison avait donnée à Eric Clapton, je crois que c'est en 1989, sur l'album Journeyman. Je vais vérifier ça. Ce sera juste après la version de George Harrison. Tears after dark. hide it from yourself. Lonely days, blue guitar, no escape can burn so far. Lonely nights, traveling far, there's no way out can burn so far. Lonesome tears intéressant avec internet, c'est que je n'ai même pas besoin de vérifier mes informations. Je dis juste avant la chanson, on écoutera la version de Clapton qui je crois est extraite de Journeyman de 89, et Rook sur Facebook me dit oui c'est ça, 1989, Journeyman, et il me met la pochette sur Facebook. Merci. Voici donc la cover, c'est la chanson interprétée par quelqu'un qui reprend les Beatles par exemple, ou alors quelqu'un dont les Beatles se sont inspirés, par exemple Chuck Berry. Les Beatles ont fait une reprise, ça devient la cover de la saga des Fab Four. Il faut au moins que cette chanson ait été chantée par les quatre ou un des quatre. Voici donc Run So Far, des années avant George Harrison, sur l'album Journeyman de Eric Clapton. RIG 90.7, la radio des Beatles. Mais dans la saga des Fab Four. High emotion filled me with desire. I had to see what I was fighting. I kept inviting me to take it higher. Well, looking back, it didn't hurt me. It did something for my soul. It taught me when you find a love, don't break it. Try to make it whole. When I heard you calling me, I took a chance, and what a good thing it turned out to be. It turned out, it turned out, it turned out, yeah, yeah. It turned out to be. Yeah. McCartney en 2013 sur l'album New. Et je rejoins Nathalie qui sur Facebook marque « Dommage que Paul ne l'ait pas chanté avec George » puisque Paul McCartney a affirmé, et il a raison, c'est vrai, on imagine bien qu'il a écrit cette chanson en pensant à George. Il a écrit cette chanson en disant que George aurait pu chanter ou composer une chanson dans ce genre-là. C'est vrai, c'est ça la capacité extraordinaire de Paul McCartney. C'est cette capacité de caméléon à mélanger tous les styles, à pouvoir incorporer tous les styles et à faire du McCartney, l'homme qu'on aime. Ben, mon idole, quoi. Quoi, vous l'aviez deviné? What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat me so unkind. What goes on? The other day I saw you as I walked along the road. But when I saw him with you, I could feel my future fold. It's so easy for a girl like you to lie. Tell me why. What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart. Treat me so unkind. What goes on in your mind? You didn't even think of me as someone with a name. Did you mean to break my heart and watch me die? Tell me why. What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat me so unkind. What goes on in your mind? Good day, sunshine. Good day, sunshine. Sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Les Beatles par deux fois, avec What Goes On sur un rythme country qui va très très bien au style de Ringo Starr. Et puis Good Day Sunshine, un an après, ça a été composé par Paul dans la maison de John, un jour particulièrement ensoleillé. Paul reconnut en 1984 qu'il avait été influencé par le Loving Spoonful, un groupe new-yorkais qui venait de placer deux titres au sommet des charts américains. Du Believe in Magic et You Didn't Have to Be So Nice, c'était les deux titres. Le Loving Spoonful se distinguait par ses chansons assez folk et lyriques de son fondateur John Sebastian, qui offrirait plus tard sous son propre nom un concert magnifique que l'on peut revoir dans le film Woodstock. La chanson qui inspira Paul ce jour-là était Daydream, qui était entrée dans le top 20 britannique en mai 1966, alors que les Beatles enregistraient Revolver. Tout comme Good Day Sunshine, Daydream démarre sur une intro à la guitare, puis raconte une histoire d'amour favorisée par un temps magnifique. I'm blowing the day to take the walk in the sun and fall on my face on somebody's new moon. Je consacre ma journée à une balade au soleil et je tombe face contre terre sur une pelouse fraîchement tondue. Voilà la traduction. L'un des merveilleux avantages d'être des Beatles, explique John de Sebastian, c'est qu'ils avaient une telle originalité que même lorsqu'ils piquaient une idée à quelqu'un d'autre, on ne s'en apercevait pas. J'avais bien pensé que certaines de leurs chansons étaient un peu dans notre style, mais il a fallu que Paul en parle dans une interview accordée à Playboy. Et oui, parce qu'on peut lire Playboy pour les interviews. Que je réalise que nous avions inspiré Good Day Sunshine. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ce titre-là et du précédent. Et je vous propose de retrouver, il me semble bien, l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Brainwashed, signé George Harrison en 2002, un album posthume hélas, et le titre du morceau c'est Looking for My Life sur RIG. you listening to me now? Oh, love, I got to get me back to you somehow. I never knew that life was lonely. I'd only hung forever to please. I never knew that things exploded. I only found it out when I was down upon my knees, looking for my life, looking for my life. Oh boy, you know no idea what I've been through. Oh love, I feel so stuck that I can't get to you. Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one, in which Doris gets her oats. To a bus riding nowhere, spending some. Dernier album officiel des Beatles, sorti en 1970, l'album Let It Be. La chanson Two of Us, on peut imaginer qu'il s'agit de Paul et John, Two of Us, mais en fait il s'agit de Paul et Linda. Ce qu'appréciait Paul lorsque Linda venait le voir, c'est que justement elle était un peu fofolle. Elle disait allez viens, on va se promener, on prend la voiture et puis on va où? Eh ben on va n'importe où, on verra bien. Et Paul, qui avait une vie très organisée avec sa vie de Beatles, eh bien appréciait beaucoup justement ce côté on va se balader et on sait pas du tout où on va. Voilà ce que je voulais dire en résumé. J'essaie d'accélérer parce qu'il faut que je termine à l'heure. Elvis is in the building. Non, pas Elvis. Eric, en fait, c'est déjà bien. Et donc, tout à l'heure, il y aura bien Johnny de A à Z. Je rassure tous ceux qui adorent et qui attendaient avec impatience le retour d'Eric. Voici Ringo Starr sur RG. L'album s'appelle Why Not? La chanson idem. Why Not? Believe it. Et voici venir le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Brainwashed par George Harrison en 2002. Et le morceau que je vous propose, c'est The Rising Sun sur RIG. On the street of villains, take him for a ride. You can have the devil as a guide. Crippled by the boundaries, programmed into guilt, till your nervous system starts to tilt. In a room of mirrors, you can see for miles, but everything that's there is in disguise. Every word you've uttered and every thought you've had is all inside your file, the good and the bad. But in the rising sun, you can feel your life begin. Universe at play inside your DNA. Place it's coming from is inside of you, and now your payment's overdue. Oh, the rising sun. Oh, the rising sun. On the avenue of sinners, I have been employed, working there till I was near destroyed. I was almost a statistic inside a doctor's case, when I heard the messenger from inner space. He was sending me a signal that for so long I had ignored, but he held on to a biblical cord. Until a ghost of memory trapped in my body and mind get out of hiding to become alive. And in the rising sun, you can hear the life begin. It's here and now, nowhere and everywhere, though its atmosphere is rare. Oh, rising sun. till it's coming down. It's inside of me, and now I feel it constantly. Oh, the rising sun. Je vais le dire en anglais et en français, en français et en anglais. J'ai volé les trois prochaines chansons à l'émission Beatles Tonight de mon ami Michael Onorato. I stole the next three songs on the playlist of Michael Onorato, I admit it. Mais c'est vraiment très très bien. Écoutez et montez le son, faites tourner les tables, dansez. Enough, Liverpoolies, they'll be glad all over. Must be love, I want a little kiss from you, and I feel bottle over. Ooh, mercy, hot dog, nearly silly, but I'm level over. Get a goosebumps, baby, cause it feels so good when you come to me like you do, and I feel bottle over. Ooh, baby, I'm a right dog, baby, and I'm happy, and I'm level over. Your touch goes through me like electric wand. Never thought I'd make love. It don't take much looking to see what I got, but it's yours, it's yours. You're my honey bunny, give me one more time. Every time you do, well I feel right all over. Ooh, baby, I don't really tell you, but I'm right all over. Cooking inside when we're cheek to cheek, but temperature's low, fever is high, guess me, what do we? Well, come on, party, party, give me one more time. Every time you do, well, I feel right over. Ooh, baby, I don't feel it silly, but I'm right over. I don't feel it silly, but I'm right over. Yeah, I don't get it silly, but I'm right all over. Jam, mais toujours rock and roll, une chanson de 1983, She's a Bad Move, Ringo, sur RG. Don't you think? Told me to keep others with me hanging round your door. That's alright, that's alright, that's alright now, mama. Any way you do, well, you sneak up in my kitchen, hit off all the bread. Baby, when my back is turned, you're dealing in my bed. That's alright, that's alright. That's alright now, mama. Any way you do. That's alright, that's alright no more. Anyway you do. Yeah, that's alright no more. Anyway you do. That's alright. Anyway. C'est ainsi que se termine la 241e édition de la saga des Fab Four. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et tout de suite, place au plus grand, au plus beau, au plus fort, au meilleur historien de Johnny qui existe ici, au meilleur, celui que je nomme, celui qui est le meilleur de tous les temps. Vous savez, les temps qui est à côté. Voilà, c'est Eric, dans quelques instants, sur RIG. À bientôt, ciao, bye bye. Je embrasse les filles, je fais une poignée de main aux garçons, ça suffira. C'était Thierry pour la saga des Fab Four. Salut, ciao. Salut à tout le monde, c'est Eric. Je tiens à remercier l'excellentissime Thierry Gallet pour sa fabuleuse La Saga des Fab Four. Oui, oui, oui, tu es le plus grand de tous les temps. Les temps, comment je peux l'écrire les temps? Mais je chercherai la prochaine fois.